Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Qu'est-ce que l'impératif catégorique ? L'expression est effrayante. Pourquoi le mot d'impératif, qui implique déjà l'imposition d'un ordre et ne laisse aucun espace possible à la négociation, se voit-il redoublé de l'adjectif catégorique ? C'est pourtant dans ces deux mots, impératif catégorique, que se trouve la réflexion de Kant sur la morale. Deux mots qui vont nous occuper aujourd'hui jusqu'à ce qu'ils deviennent limpides. Commençons par aller voir du côté du conte de printemps d'Éric Rohmer, où l'on prend conscience que nous n'avons pas tous eu le même prof de philo. L'autre jour, je m'étais engagée avec quand même 5 ou 6 élèves dans un petit dialogue maïotique, genre tête-tête, tu vois. La science est-elle la sensation? Voit-on par les yeux ou avec les yeux? Enfin, eh bien, alors que moi, je ne voulais pas m'avancer trop loin, nous nous sommes trouvés tout naturellement en train de nous poser la question de la possibilité des jugements synthétiques a priori, comme au début de la raison pure. Vous disiez que vos élèves s'intéressent à la possibilité des jugements synthétiques a priori. Oui, enfin... Ah ? Tu sais ce que c'est, toi, un jugement synthétique a priori ? Si je l'ai su, je l'oubliais. Et toi ? Oui, un jugement synthétique a priori est un jugement qui, tout en étant a priori, n'est pas analytique. Oh, pour être plus précise, excusez le jargon. C'est un jugement dans lequel le prédicat n'est pas contenu dans le sujet. Par exemple ? Prenons l'exemple de Kant. Tous les corps sont étendus, c'est un jugement analytique. Mais tous les corps sont pesants, c'est un jugement synthétique, mais a posteriori. Parce que la notion de pesanteur n'est pas contenue dans le sujet, mais apportée par l'expérience. Et synthétique, a priori ? Tous les corps sont... Dans Kant, c'est quoi ? Chez Kant, l'exemple, c'est tout ce qui arrive à une cause. Mais on peut prendre aussi les jugements mathématiques. Par exemple, quand je dis... La ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Ça n'est pas tiré du concept de droite et ça n'est pas non plus dans l'expérience. Oui, parce que l'espace est une forme a priori de la sensibilité. Bravo ! En fait, tu n'as rien oublié. Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, à tata, prout, prout, cadet, à cheval sur mon bide. Fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pampant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, à tata, prout, prout, cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas si, fais pas ça, à tata, prout, prout, cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Bonjour Antoine Grandjean. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de philosophie moderne et contemporaine à l'Université de Lille. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui nous est bien utile aujourd'hui qui s'appelle « La philosophie de Kant » paru aux éditions Vrin en 2016. Pour parler de Kant, on peut regarder le conte de printemps d'Éric Rohmer ou on peut écouter Jacques Dutronc « Fais pas ci, fais pas ça » qui pourrait être une des modalités de l'expression d'un impératif « Est-il catégorique ou pas ?» Vous êtes comment avec vos élèves ? Plutôt Rohmer ou plutôt Dutronc ? Plutôt Dutronc. Et j'en profite pour évoquer le fait que selon Kant, mais nous pourrons en reparler, partager un repas, ça a un sens moral au moins indirect, puisque c'est prendre du plaisir au commun, au partage, et donc déjà un chemin vers l'universalité dont on verra quel est l'horizon de la loi morale. Simplement, selon Kant, cette commensalité, ce sens moral du partage de la table, doit donner lieu à des repas qui n'ont rien à voir avec celui qui ressemble à un cours de philosophie dont on vient d'entendre le son. C'est-à-dire, à quoi doivent ressembler les repas pour Kant ? Au plaisir d'être ensemble, simplement, et non pas un cours de philosophie, même si on peut prendre plaisir à un cours de philosophie. Oui, c'est ça. La table n'est pas nécessairement le meilleur lieu pour ça et on peut avoir mieux à faire. Donc ça veut dire, je saisis la balle au bon, que pour que quelque chose soit moral pour Kant, il faut qu'il y ait la dimension de l'universel. En effet, l'analyse de Kant concernant l'expérience morale conclut que l'expérience morale n'a de sens qu'en tant qu'elle se situe dans l'horizon d'une exigence d'universalité et de nécessité. Les deux caractéristiques vont toujours ensemble, c'est-à-dire deux caractéristiques qui caractérisent la loi. Si la loi, c'est un rapport universel et nécessaire entre des phénomènes, eux, changeants. Et c'est pourquoi l'expérience morale prend son sens depuis la conscience d'une loi, qui est la loi morale, caractérisée par cette universalité et cette nécessité, en tant même que c'est une loi. Je note que vous n'avez pas prononcé les mots de bien et de mal. Et que généralement, quand on parle de la morale, on se dit il faut agir moralement, c'est-à-dire suivre le bien. Là, c'est liberté. Vous avez parlé de nécessité, de loi et d'universel. C'est ce que Kant explique. Et ce qui constitue pour lui un geste proprement révolutionnaire en philosophie morale, c'est ce qu'il appelle le paradoxe de la méthode en philosophie morale, c'est-à-dire que jusqu'à Kant, on a toujours pensé la morale comme un chemin vers le bien, qui orienterait donc toute la réflexion et toute l'action. On déterminerait ce qu'est le bien, ce qui est bien, et on en conclurait quels sont les moyens d'atteindre ce bien. Kant explique que, et ça nous conduira sans doute à notre sujet, cette manière de penser réduit la morale à un impératif catégorique, un impératif hypothétique, pardon. Si le bien, c'est la perfection, se conformer à la volonté de Dieu, etc., alors il faut faire ceci ou cela. C'est-à-dire qu'on a affaire ici à un « si alors » qui correspond à la forme hypothétique du jugement, en logique, c'est-à-dire à une forme de l'impératif qui n'est pas catégorique, qui ne s'en tient pas à un « tu dois ». Or, selon Kant, précisément, il faut ne plus penser la morale depuis le bien, mais penser le bien depuis l'exigence morale, c'est-à-dire depuis la loi. C'est ce qu'il appelle le paradoxe de la méthode en philosophie pratique ou morale. Il faut commencer par identifier la loi, la norme, pour seulement depuis cette loi se demander ce qui est bien. Est-ce que la loi, c'est ce qu'il nomme l'impératif catégorique ? Alors, il y a une petite nuance, mais qui a son importance. La loi, c'est simplement un rapport caractérisé par l'universalité et la nécessité. Kant, et c'est ce qu'on appelle le formalisme kantien, on en reparlera peut-être, juge que le seul contenu de la loi morale, c'est sa forme de loi, c'est-à-dire universalité et nécessité. Et il distingue de cette loi ce qu'il appelle l'impératif catégorique, et qui est la manière dont cette loi se donne à nous, c'est-à-dire le sens qu'elle prend pour nous, et qui c'est nous. Nous, ce sont des êtres libres, mais finis, c'est-à-dire dont l'action n'est pas immédiatement, spontanément, nécessairement conforme à la loi. Et c'est pourquoi la loi prend pour nous la forme d'une exigence, d'une norme, d'un commandement, c'est-à-dire un impératif. Bref, l'impératif, c'est, si l'on veut, la version adressée à la finitude de la loi morale, qui, quant à elle, n'a pas de forme normative en elle-même. Par exemple, un être qui serait saint, dont toutes les actions seraient immédiatement, spontanément et nécessairement conformes à la loi, n'aurait pas conscience de quelque chose comme un impératif. L'impératif, le commandement, c'est la forme que prend la loi pour un être dont l'action n'est pas immédiatement, vous voyez, conforme à la loi. C'est parce que nous sommes susceptibles de ne pas obéir à cette loi que celle-ci prend la forme d'un impératif. Exactement. C'est ça que vous voulez dire, on n'est pas des saints. Exactement. Donc ça veut dire qu'on a un corps, on a une dimension sensible qui peut être attirée vers d'autres choses que le simple respect de la loi morale. C'est ça. En tant que nous sommes des êtres finis, et pour Kant, fini, ça veut dire sensible, nous sommes sujets à des inclinations qui n'ont rien de mauvais en elles-mêmes, mais dont la conformité à la loi est contingente. C'est-à-dire que ce que je désire n'est absolument pas nécessairement conforme à la loi morale, et c'est pourquoi cette loi prend la forme de ce que je dois. On va prendre le temps de déplier ce matin tout ce que vous venez de dire, Antoine Grandjean, parce que c'est décisif pour comprendre la réflexion morale de Kant. On va écouter ensemble un premier texte qui vient des fondements de la métaphysique des mœurs, qui est un texte qui date de 1785, donc il se trouve entre les deux critiques. Et finalement, la critique de la raison pratique et la deuxième critique va reprendre des choses qui ont déjà été énoncées dans les fondements de la métaphysique des mœurs, peut-être de manière plus claire, mais en même temps, c'est plus développé dans la critique de la raison pratique. Donc on va passer d'un texte à l'autre ce matin. Et on va entendre ensemble ce premier texte, lu par Éric Herson-Macarel, qui se termine avec la formulation de ce qu'on pourrait appeler l'impératif catégorique. L'homme, et en général tout être raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré. Dans toutes ses actions, aussi bien dans celles qui le concernent lui-même que dans celles qui concernent d'autres êtres raisonnables, il doit toujours être considéré en même temps comme fin. Les êtres dont l'existence dépend, à vrai dire, non pas de notre volonté, mais de la nature, n'ont cependant, quand ce sont des êtres dépourvus de raison, qu'une valeur relative, celle de moyens. Et voilà pourquoi on les nomme des choses. Au contraire, les êtres raisonnables sont appelés des personnes, parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi, c'est-à-dire comme quelque chose qui ne peut pas être employé simplement comme moyen, quelque chose qui, par suite, limite d'autant toute faculté d'agir comme bon nous semble, et qui est un objet de respect. Ce ne sont donc pas là des fins simplement subjectives, dont l'existence, comme effet de notre action, a une valeur pour nous, ce sont des fins objectives, c'est-à-dire des choses dont l'existence est une fin en soi-même, et même une fin telle qu'elle ne peut être remplacée par aucune autre. L'impératif pratique sera donc celui-ci : agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de Kant cette semaine, et ce matin on s'interroge sur l'impératif catégorique. Que signifie-t-il? Quel est-il? Et c'est le texte que vous venez d'entendre qui commence à nous donner des clés pour comprendre cette expression. Antoine Grandjean, le mot qu'il faut introduire dès à présent, on l'a entendu dans le texte, c'est celui de personne. Au fond, ce que Kant veut dire, c'est que une personne, eh bien c'est quelque chose qui ne peut pas être considéré simplement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. C'est dire que la réflexion morale chez lui ne peut pas se faire sans la prise en compte de ce qui fait notre humanité, au fond, ce qui fait que nous sommes des personnes et pas des animaux. En effet, la réflexion philosophique de Kant sur l'expérience morale aboutit à une distinction dualiste, si l'on veut, entre les personnes d'une part et les choses, reprenant et réinvestissant ainsi une distinction qui est d'origine juridique, hein, entre les personnes et les choses étant ce sur quoi on a des droits, que l'on peut utiliser, etc., mais qui ne sont pas des choses, un sujet de droit, alors que la personne est un sujet de droit, et selon Kant, cela tient au fait qu'une personne est un être libre, sujet d'une rationalité pratique qui, précisément, est le siège de l'impératif catégorique, ce qui dote cette personne d'un statut axiologique, c'est-à-dire d'une nature de valeur qui est tout à fait singulière, à savoir ce que Kant appelle la dignité, c'est-à-dire ce qui est sans équivalent et qui l'oppose au prix. Une personne, c'est ce qui n'a pas de prix, ce qui est sans équivalent. Et ce qui lui donne aussi un statut spécial, un statut de fin en soi, c'est-à-dire que on ne peut pas réduire, enfin on ne doit pas réduire une personne au moyen qu'elle peut être par ailleurs relativement à mes propres fins. C'est-à-dire que tout rapport à une personne doit être un rapport tel qu'il maintient le statut de fin en soi de cette personne. D'où l'énoncé de cette formule, de ce qu'il appelle l'impératif pratique, « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin » et jamais simplement comme un moyen. Il y en a plusieurs des énoncés de l'impératif pratique, on va les voir ensemble ce matin. Mais déjà, je note ici qu'il ne dit pas qu'il ne faut jamais considérer une personne comme un moyen, mais qu'il faut toujours en même temps la considérer comme une fin. Comment s'explique cette En effet, c'est-à-dire que tous les rapports sociaux sont des rapports tels qu'ils engagent des individus qui jouent pour d'autres individus un rôle de moyen de parvenir aux fins que le premier individu se pose. Par exemple, je vous ai invité ce matin pour pouvoir faire une émission sur l'impératif catégorique de Kant. Vous étiez un moyen pour cette émission ? Tout à fait, tout à fait. Et c'est normal, enfin, sinon il n'y a pas de rapport social. Vous étiez consentant en tout cas. Bien sûr, et c'est important. Mais tous les rapports sociaux supposent, vous voyez, cette relation fin-moyen. Par exemple, le professeur peut être un moyen, du point de vue du parent, pour que son enfant s'élève, s'éduque, voire se forme, voire devienne monnayable sur le marché du travail, voire réussisse du coup à construire sa propre vie. Le professeur, de ce point de vue, est un moyen, et c'est tout à fait normal. Mm-hmm. Mais ce que dit Kant, c'est que une personne ne peut pas être réduite à ce rang de moyen, c'est-à-dire que le parent d'élève, pour reprendre mon exemple, doit toujours en même temps considérer le professeur comme une fin en soi, c'est-à-dire ne pas le réduire à son utilité. Et c'est ici que l'impératif catégorique conduit donc à condamner toute instrumentalisation totale, radicale ou absolue de l'être humain, dont la personnalité doit toujours être sauvegardée, c'est-à-dire ce statut de fin en soi. Il ne faut pas réduire, on ne doit pas réduire une personne au statut de moyen qu'elle peut bien posséder par ailleurs. Mais c'est compliqué cette distinction parce qu'on peut juger que, alors dans le cas de l'esclavage, c'est clair, les humains étaient considérés comme même pas des objets au fond, comme vraiment comme un moyen. Oui, et Kant condamne fermement la pratique de l'esclavage. Mais toute proportion gardée, il y a beaucoup de situations dans lesquelles les humains ne sont que des moyens. Si je dirige une entreprise et que j'ai besoin de salariés pour faire vivre cette entreprise, bah, les salariés ne seront que des moyens pour que l'entreprise prospère. Alors, ben, tout l'enjeu, c'est qu'ils ne soient pas que cela. C'est-à-dire, bien sûr, au fond, ils sont là en raison de leur utilité, du point de vue de l'employeur, c'est évident. Mais la conduite que l'employeur adopte à l'égard des employés, et plus généralement, au fond, la façon dont l'entreprise est constituée, et également le cadre, au fond, normatif, ou les valeurs qui président à l'institution qui est toujours une entreprise, tout cela doit faire en sorte que précisément les employés qui sont là parce qu'ils servent à quelque chose ne soient pas réduits, c'est-à-dire par exemple qu'un employé ne doit pas être traité de telle sorte qu'il ne serait pas davantage qu'une machine dans une usine. Alors bien sûr, cela conduit à tout un tas de conséquences pratiques concrètes, c'est-à-dire quelles sont les conduites qui maintiennent la personnalité de la personne. Mais est-ce que là, Kant peut les énoncer ou Ou ça dépend après du cadre juridique qu'on donne à chaque situation, c'est de l'époque. Ben, ce qu'énonce Kant toujours concernant la philosophie morale, c'est un critère. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, on est dans une philosophie de type transcendantal, vous en avez parlé lundi. Rappelez-nous ce que ça veut dire. Ben, c'est ce qui s'intéresse aux conditions de possibilité d'une expérience, dès lors que cette expérience est rendue possible par quelque chose qui ne résulte pas de l'expérience. C'est-à-dire, en vocabulaire kantien, tout ce qui s'intéresse au fond aux conditions a priori d'une expérience, qui peut être une expérience de type cognitif, la connaissance, une expérience de type moral, ou une expérience de type esthétique, par exemple. Ces expériences supposent des facteurs qui ne dérivent pas de cette expérience, et c'est à cela que s'intéresse la philosophie transcendantale. Et donc, dans notre cas, l'expérience morale, ce qui intéresse Kant, c'est d'identifier, de clarifier quel est le critère mis en jeu par l'expérience morale, et donc il va prendre un certain nombre évidemment d'exemples d'application de ce critère et théoriser l'application de ce critère, mais il ne va pas décliner, si vous voulez, l'ensemble des conséquences que l'on pourrait tirer d'un tel critère, d'autant qu'au fond, selon lui, ce serait aller à contresens du sens même de l'expérience morale, qui doit être, au fond, confrontée à une situation singulière, de tenter d'identifier la manière d'agir qui serait morale, à la lumière d'un critère dont, au fond, le sujet doit assurer la mobilisation. Il est responsable de son jugement moral. Toute la question étant de savoir d'où vient cette loi que nous avons en nous, à laquelle nous pouvons ou non obéir. Sommes-nous libres d'obéir ou non à cette loi et sommes-nous en clair responsables de nos propres actions? Avant de répondre à cette question, je vous propose qu'on écoute un extrait des derniers jours d'Emmanuel Kant. Ici, c'est le film de Philippe Collin adapté du texte de Thomas de Quincey, dans lequel on voit que finalement Kant lui-même, mis en scène, vous allez voir, ne semble pas appliquer à lui-même les maximes qu'il énonce pour agir moralement. Ah, cher voisin, je voulais vous voir. Professeur. Mais vous alliez sortir. Cher et grand philosophe, l'honneur de votre visite sera l'excuse à l'avance recevable que je donnerai de mon retard. Non, non, je reviendrai. Alors faites-moi la grâce. Voici, monsieur Loiseleur, vous voyez votre pigeonnier. Chaque jour, chaque soir, du bureau où je travaille, tous les jours de ma vie, depuis que j'ai décidé de conduire ma pensée sans la direction de quiconque, J'aime regarder par la fenêtre et voir votre pigeonnier. Oh, professeur, mon pigeonnier, vous le voyez, vous? Cependant, depuis quelque temps, vos tilleuls arrivent à me cacher la vue. Je ne vois plus votre pigeonnier. Aussi... Cependant, vous remarquerez que d'ici, nous le voyons, mon pigeonnier. Oui, monsieur Loiseleur. Mais il ne m'est plus doux de regarder par la fenêtre et mon travail en souffre. J'ai l'impression d'être une mouette volant contre le vent. Je bats des ailes, mais je n'avance plus. Les arbres bougent, monsieur Loiseleur, comprenez-vous? Aussi, pour calmer l'inquiétude d'un vieil homme, je viens vous demander une faveur. Voulez-vous bien abattre cet arbre? Professeur, abattre un arbre? Professeur. Abattre un homme, monsieur Loiseleur? Le moins qu'on puisse dire, Antoine Grandjean, c'est que dans cet extrait, Kant n'agit pas de telle sorte que sa maxime soit universalisable, car si tout le monde, gêné par un arbre qui vient cacher la vue d'un pigeonnier, demandait au propriétaire de l'arbre de l'abattre, bah, il n'y aurait plus d'arbre et sans doute n'y aurait-il plus de vie. Mythe ou réalité, en tout cas, c'est vrai que la personnalité fantasmée de Kant n'est pas pour rien dans la réception de ses écrits, Antoine Grandjean. Oui, en effet... Kant, c'est quelqu'un qui a eu à la fois la grande chance de vivre longtemps, mais qui, ce faisant, a aussi connu d'une certaine manière un malheur, parce que ce que l'on retient de lui, c'est l'image constamment d'un vieillard. Et il est assez certain qu'il ne l'a pas toujours été. Et que donc, c'est pas toujours cette personne-là, cette personnalité-là, qu'il donnait à voir et à entendre. Bon, ça c'est le premier point, mais mythe ou réalité... Ce n'est pas vraiment la question. La question fondamentale, quand même, c'est que cette situation n'est pas nécessairement une situation morale. C'est-à-dire que Kant, ici, va tenter de convaincre son voisin de la nécessité, au fond, de lui faire plaisir, de lui faire quelque chose, d'aller dans le sens de ce qui lui importe. Bien, il tente de le convaincre. Si le voisin dit non et que Kant s'en va... il n'y a rien de ni d'immoral ni de moral au fond dans cette situation. L'impératif catégorique, d'une certaine manière, ne retentit pas constamment. Kant est très clair sur ce point, hein, contrairement à une certaine réception de ces analyses qui a été faite, où on a l'impression que, selon Kant, l'expérience est obsessionnellement inquiète de moralité. Selon Kant, la très grande majorité des situations sont des situations qui sont amorales. Hein. C'est-à-dire que c'est seulement... Dans certaines questions, que la conscience du devoir s'impose. Ah oui, c'est pas comme chez Lévinas, où c'est le regard d'autrui qui sans cesse m'interpelle et me commande d'agir moralement. Non, à la fois, Kant est une pensée qui investit la question morale d'une importance fondamentale, enfin, absolument fondamentale, ce n'est pas le point, mais qui, constamment également, souligne que cette exigence morale n'est pas une exigence constante. Il n'y a pas d'obsessionnalité, au fond, éthique chez Kant. Chez Kant, on a plutôt une vision de la vie quotidienne qui est une vision plutôt, moralement apaisée. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, en effet, l'injonction morale s'impose à moi et où je dois déterminer ce qui est conforme à cette injonction et ensuite faire un choix. Mais, et donc dans cet exemple, si Kant est conduit par son voisin, décidait néanmoins la nuit d'aller tronçonner, même s'il n'y avait pas de tronçonneuse au XVIIIe siècle, le tilleul du voisin, là on serait dans une situation moralement problématique, si vous voulez. Mais aller convaincre son voisin qu'au fond, pour penser, il faut qu'il y ait moins de tilleul, tenter de le convaincre et repartir avec la réponse du voisin, ce n'est ni moral ni immoral, si vous voulez, c'est la vie quotidienne, dans ce qu'est là, au fond, de rapports que Kant nomme pragmatiques, c'est-à-dire des rapports humains, où il est question, au fond, du bonheur. Et ici, pour Kant, le bonheur, c'est de penser, en effet. Ah, et voilà, et donc vous montrez bien qu'il faut distinguer chez Kant le domaine moral et l'exigence de l'impératif catégorique du bonheur. Agir pour être heureux, ce n'est pas agir moralement. Non, mais agir pour être heureux, ce n'est pas non plus agir immoralement. C'est amoral, c'est-à-dire voilà, sans moi, en dehors normal. Du domaine de la morale. C'est normal, au fond, nous sommes des êtres sensibles et nous ne pouvons pas ne pas désirer être heureux. Il n'y a là rien d'immoral, C'est la conséquence nécessaire de la finitude, c'est-à-dire du fait que nous soyons sensibles. Simplement, il y a des moments où, au fond, mon désir normal de bonheur me conduirait à adopter une conduite qui, là, signifierait une transgression du devoir. Et c'est dans ces moments-là, qui ne sont pas nécessairement la règle, encore une fois, hein, mais c'est dans ces moments-là qu'au fond, l'impératif catégorique se donne à moi avec une certaine violence, si l'on veut, sous la forme d'une contrainte que je subis et qui me dit « ce que tu désires est contraire à ce que tu dois ». Mais c'est seulement, vous voyez, dans certains moments qu'on a ce conflit. Quel moment, par exemple ? Quel moment ? Ben, typiquement, enfin, une situation classiquement évoquée par Kant, c'est celle du mensonge, où au fond, pour me tirer d'un embarras, qui peut être un embarras d'ailleurs important, hein, même quasi mortel au fond, est-ce que, et donc pour au fond, vous voyez, poursuivre mon intérêt particulier, qui est de me sortir d'une situation difficile, qu'elle soit délicate ou dramatique, hein, je peux être tenté de recourir au mensonge, qui est un moyen efficace dans cette situation. Et dans cette situation particulièrement, selon Kant, alors le sujet qui réfléchit à la conduite opportune entendra une voix qui lui dit « tu ne dois pas mentir ». Et donc c'est dans cette situation, vous voyez, qu'il y a une sorte de conflit. Une voix, l'impératif catégorique, c'est une voix en nous ? Oui, c'est une métaphore constante de Kant, hein, une métaphore vocale pour désigner la loi morale, c'est-à-dire que cette loi morale, c'est une exigence que l'on entend. Et qui sourd, qui vient, mais d'une certaine manière sans source assignable. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui nous parle, parce qu'en fait, qui nous parle, c'est notre raison pratique. C'est notre raison qui s'exprime dans ce cas-là. Parce que la question de savoir d'où vient cette loi morale et qui formule l'impératif catégorique, c'est notre raison. C'est ça. Alors, selon Kant, si l'on cherche la source, si l'on veut, ou la cause qui expliquerait le surgissement de cette voix, il faut répondre que cette voix ne vient de nulle part, c'est-à-dire qu'elle est sans cause. Parce que cette voix, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement l'expression de la rationalité pratique en nous, c'est-à-dire qu'au fond, c'est une voix sans locuteur. Il n'y a personne ici qui parle. J'entends une voix qui n'est la voix de personne, si ce n'est celle de la personnalité elle-même en moi. Donc de l'universel. Donc de l'universel, qui n'a d'autre contenu que d'exiger l'universalité possible des règles de mon action. Ça permet de bien comprendre ce qu'on définit par transcendantal, qui même si on y a déjà consacré une émission lundi, est quand même quelque chose d'assez difficile sur lequel on peut revenir. Au fond, le transcendantal signifie bien, dans ce sens-là, l'endroit où je peux rejoindre en moi l'universel, au fond. Parce que ce faisant, Kant postule que nous avons tous en nous cette même loi morale, et donc il y a un sens à parler de morale. Parce qu'au fond, si la voix que j'entends était différente de la vôtre, il n'y aurait pas de morale, il n'y aurait pas d'universel, il n'y aurait pas d'impératif catégorique. Tout à fait. Selon Kant, donc, le sens de l'expérience morale dans ces situations intenses, si l'on veut, c'est d'être soumis à une injonction, à un devoir, c'est-à-dire à quelque chose. Le devoir, c'est ce qui est nécessaire, par définition, et donc c'est ce qui va avec l'universel, parce que ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne change pas selon les particularités, et donc nécessité, universalité, et ce qui est une exigence d'universalité doit nécessairement être universellement accessible. Si vous voulez, si le devoir s'adresse à tout le monde, alors il doit être accessible à tout le monde, c'est-à-dire que chacun, depuis ce qu'il a de plus intime au fond, hein, est en effet convoqué par l'universel et à l'universel. Agis seulement d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Ça exprime la forme de la maxime, c'est-à-dire la dimension universelle. Et celle qu'on a entendue juste avant, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Là, on n'entend pas simplement la forme de la maxime, l'universalité, mais la matière même, à savoir chaque être est une fin. On a établi ces points-là ensemble, Antoine Grandjean. On en trouve une troisième de maxime. Agit de telle sorte que la volonté puisse se considérer elle-même comme dictant par ses maximes des lois universelles. Là, on se situe encore à un autre registre qui semble être même surplombant par rapport aux deux autres. Alors, c'est-à-dire que dans les fondements de la métaphysique des mœurs, dont est tiré le texte dont nous parlons, Kant distingue la formule ou la formulation, si on veut, de la loi morale, enfin de l'impératif catégorique, qui est donc agir de telle sorte que mes règles d'action, ce qu'il appelle mes maximes, puissent être tenues pour universelles. Et il décline ensuite cette formulation de l'impératif catégorique selon trois formules. Oui. La formule qui dit que du coup, il faut agir selon une règle d'action dont on puisse tenir qu'elle serait une loi de la nature, puisque au fond, la nature, au sens moderne, c'est l'ensemble des phénomènes qui obéissent à des lois. Donc, au fond, le concept de nature peut permettre de comprendre le sens de l'exigence morale. Il y a la formulation selon le rapport fin en soi et moyen dont nous parlons, et il y a en effet une troisième formulation selon l'autonomie, puisque agir selon la loi morale, c'est-à-dire selon une loi qui n'est rien d'autre que l'expression de ma rationalité, c'est agir de telle sorte que je puisse considérer que ma volonté se donne à elle-même la loi. Autonomie, étymologiquement, ça veut dire se donner à soi-même sa propre loi. C'est ça. Et donc, Kant, si on veut, investit ici dans la morale, des analyses qui, d'une certaine manière, viennent de Rousseau, du contrat social, c'est-à-dire que liberté et obéir à la loi que l'on s'est soi-même prescrite, c'est la même chose. Voilà. Sachant que cette loi que l'impératif catégorie nous prescrit, on postule qu'elle est présente chez chacun d'entre nous, c'est la dimension universelle, mais elle peut entrer en conflit avec d'autres lois, avec la loi d'un pays, avec une loi extérieure, justement. Tout à fait. Enfin, ce sont des exemples que Kant prend, des exemples de tyrannie dans lesquels le tyran peut exiger de moi quelque chose qui contredit mon devoir éthique, mon devoir moral en ce sens. Et selon Kant, précisément, on a affaire ici à une situation où quelqu'un sait qu'il doit d'une certaine manière désobéir à l'ordre civil ou légal qui lui est imposé, parce qu'il sait qu'au fond, sa moralité ici est en jeu. Oui. Et donc, en règle générale, les hommes suivent plutôt leur intérêt, c'est-à-dire obéissent. Mais l'homme, parce qu'il sait qu'il doit éventuellement désobéir, en conclut également qu'il peut le faire, c'est-à-dire qu'il est libre. Qu'il est libre. Et il y a toujours cette corrélation, selon Kant, entre moralité et liberté. Ça, c'est un point fondamental, à savoir que la possibilité de la transgression, c'est la preuve de notre liberté. Savoir que nous ne pouvons ne pas obéir à une loi, eh bien, c'est prouver que nous sommes libres, puisque nous pouvons ne pas obéir. Alors, là, c'est la possibilité de transgresser à une loi, si l'on veut, politique, empirique dans le vocabulaire de Kant, mais pour obéir à une autre loi. Qui est la loi morale. C'est-à-dire que la possibilité de désobéir, c'est une forme plutôt dégradée de liberté. La vérité de cette possibilité de désobéir à un ordre empirique, politique ou de votre supérieur hiérarchique, quel qu'il soit, c'est la possibilité d'obéir à une autre loi qui est, au fond, la loi fondamentale, qui est la loi éthique. Donc c'est pas que je me donne à moi-même. Oui, mais celle-là aussi, je suis pas. L'impératif catégorique me commande d'agir d'une certaine façon, mais je ne suis pas obligé de lui obéir. Ah non, tout à fait. C'est encore la preuve de ma liberté au fond. Ben pas vraiment, parce que selon Kant, la plus haute forme de liberté, ce serait de n'agir que conformément à cette loi qui est celle de ma raison. Libre, c'est agir selon la loi qu'on s'est soi-même prescrit. Ça, c'est la forme ultime de la liberté. Voilà. Désobéir, c'est possible. Parce qu'on est libre. Un être qui n'est pas libre, on ne peut pas dire qu'il désobéit. Donc en effet, vous voyez, la condition de la désobéissance, c'est la liberté. Ouais. Mais la vérité de la liberté, selon Kant, ce n'est pas la désobéissance, c'est l'obéissance, mais à une loi bien précise, celle que l'on s'est soi-même prescrite. J'entends monter les objections dans mon esprit, peut-être dans le vôtre, Antoine Grandjean. Je ne sais pas si vous en avez encore affaire à Emmanuel Kant et dans l'esprit des auditeurs. La parole aux objections donc, puisque vous l'avez dit finalement, si on applique les maximes kantiennes, et bien par exemple le mensonge n'est pas quelque chose auquel on doit recourir. L'objection ici à cette affirmation est formulée par Vladimir Jankélévitch. L'amour n'est pas étranger à la vérité, mais je dirais même qu'il est une survérité. Il est fondateur de la vérité, il est survrai, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est pourquoi la sincérité en elle-même ne vaut rien, et ceux qui la prêchent indépendamment de l'amour, comme Kant, qui est un théoricien du désintéressement, mais qui s'évertue à ne pas prononcer le mot d'amour, ou saint Augustin, n'est-ce pas, avec qui il est entièrement d'accord, qu'est-ce que c'est que cette sincérité-là? C'est comme d'être sincère avec la Gestapo, par exemple. Si je cache un résistant dans une armoire, et qu'on me dit « il est là », et qu'on me dit « est-ce qu'il est là ?» Et si je dis « oui, il est là parce que c'est vrai », qu'est-ce que je suis? Je suis un gredin, n'est-ce pas? Donc mon devoir le plus sacré est de mentir. Donc le mensonge, à ce point de vue, est plus précieux que la vérité, plus précieux que la sincérité. Et donc, plus important, c'est une vérité plus profonde, plus générale, qui va plus loin. Et dire une vérité ponctuelle parce que c'est la vérité, comme les gens qui vous disent une vérité brutalement, oui. Eh bien, c'est mentir. Et je pense qu'avec certaines personnes, le mensonge est un devoir. Je vous propose qu'on revienne à la question de l'amour dans un instant, Antoine Grandjean, mais d'abord, si on prend au sérieux cette objection qui vient assez facilement, et au fond, c'est celle aussi que Benjamin Constant a faite à Kant, prenons le cas extrême, atteignons le point Godwin sans plus attendre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous cachez des Juifs chez vous, la Gestapo frappe à la porte, enfin frappe, non, entre dans votre domicile et vous demande si vous cachez des Juifs. Est-ce que Kant, l'éthique, la morale kantienne imposerait de dire la vérité, donc de dire oui, bien sûr, je cache des Juifs? Ou est-ce que, comme le dit Jean Kelevitch, là, dans ce cas, il vaut mieux mentir quitte à être immoral? Alors, oui, le pauvre Kant a été soumis au grill de cette question bien souvent, et comme vous le dites, ça renvoie d'emblée à une controverse de l'époque de Kant lui-même, mais une controverse que d'une certaine manière Kant a créé de toutes pièces. Bon, c'est un long dossier, hein, mais Benjamin Constant prend cet exemple du mensonge qui serait un devoir dès lors que l'on cache quelqu'un d'innocent qui serait poursuivi par des forces répressives, disons. Simplement, il pense pas à Kant, mais peu importe. Et Kant, lisant ce texte, se sent visé et répond, et en effet répond dans une polémique qui crée les cadres, au fond, de la discussion et qui le pousse, au fond, à tenir une position qui est assez difficile à soutenir aujourd'hui, hein, qui est que, au fond, puisque la véracité, et non pas la vérité, j'y reviendrai, est un devoir, mentir est toujours, au fond, une faute. Et donc voilà, ça c'est la réponse de Kant à l'époque, mais encore une fois contraint, corseté d'une certaine manière par le cadre d'une polémique qu'il n'a pas formulée, bien qu'il s'y soit jeté de son propre chef parce qu'elle ne le visait pas directement. Bon, c'est un autre débat, peu importe. Mais pour revenir au texte de Jean Kelevitch lui-même, alors il y a tout un tas de concepts. Il le déteste, hein, on l'entend. Bien sûr, bien sûr. Bon, il déteste les Allemands en général. On sent une sorte de dégoût, oui. Il y a tout un tas de concepts qui sont mobilisés dans ce texte qui sont clairement anti-kantiens. Enfin, déjà, le mensonge ne concerne pas la vérité, mais la véracité, c'est-à-dire c'est pas ce qui est vrai hein, que je dois dire, c'est ce dont je pense que c'est vrai. C'est pas la même chose, parce que je peux très bien penser que quelque chose est vrai alors que c'est faux. Hein. Mais c'est en disant le faux ici que je serai vérace, c'est-à-dire que je dirai ce que je pense. Oui. Donc la question de la vérité, c'est une toute autre question. Et c'est pas un hasard si elle est convoquée par Jean Kelevitch, parce qu'au fond, on retrouve, enfin, Jean Kelevitch réintroduit d'une certaine manière le questionnement moral ici, sous l'horizon de la vérité, qui est un horizon classique, enfin, qui remonte, penser le bien et le vrai ensemble, ça remonte au moins à Platon, si vous voulez, et c'est ce geste que Kant délie. Donc c'est pas innocent, au fond, de réintroduire la question de la vérité, là où il est question, selon Kant, de sincérité, ce qui n'est pas la même chose. Le concept d'amour dont nous pourrons peut-être reparler plus tard est un concept qui n'est pas du tout central pour la moralité selon Kant. En effet, oui, c'est ce que dit Jean Kelevitch. Oui, il lui reproche d'ailleurs. Oui, mais Kant explique pourquoi. Au fond, le sentiment moral, c'est le respect pour la loi, pour les personnes qui sont sujettes de cette loi, et non pas l'amour, ce qui est tout autre chose. Et pour revenir à l'exemple précis, alors, je le disais, Kant, à l'époque, c'est d'une certaine manière corseté en s'insérant dans un débat dont il n'avait pas formulé les termes. Mais si on lit d'autres textes kantiens qui s'intéressent davantage aux situations éthiques dans leur singularité, on voit une pensée beaucoup plus souple et beaucoup plus riche. Et notamment, toute la question, si vous voulez, et ça nous conduira aussi peut-être à discuter de l'image d'Épinal sur laquelle, chez Kant, il y aurait une sorte d'automatisme moral. Toute la question est de savoir, le mensonge étant toujours interdit, ce qui effectivement est un mensonge. Et il y a tout un tas de textes où Kant explique qu'il y a des déclarations intentionnellement fausses, ce qui pourrait sembler être la définition stricte du mensonge, qui ne sont pas des mensonges. Et par exemple, l'exemple qu'il prend, c'est, enfin l'idée qu'il met en avant, c'est que ma sincérité, qui est toujours une exigence, hein, n'a de sens que si celui à qui je parle peut estimer que je suis sincère. Or, il y a des situations dans lesquelles, de contraintes par exemple, vous voyez, dans lesquelles autrui, me forçant à parler, si vous voulez, contre manifestement mon intérêt, contre mes convictions, ne peut pas tenir que je vais lui dire ce que je pense. De sorte qu'au fond, une relation de contrainte très forte, enfin l'exemple que vous preniez historiquement en est un, me semble-t-il, annule les conditions de la confiance qu'autrui peut faire à ce que je lui dis. Oui, mais ça reste un mensonge. Dire non, je ne cache selon pas les Kant, juifs, alors que j'en cache, c'est un mensonge. Alors, selon Kant, et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire, vous voyez, il y a la loi, hein, il y a ce que l'on peut en tirer comme conséquence générale, si l'on veut, et il y a les analyses des situations concrètes, compliquées. Eh bien, c'est bien toutes les objections que les autres philosophes font à Kant, c'est qu'il ne prend pas assez en compte la multiplicité de ces objections. Sauf que c'est faux. C'est-à-dire, on trouve par exemple dans la doctrine de la vertu, qui appartient à la métaphysique des mœurs, un texte plus tardif que la fondation de la métaphysique des mœurs, une analyse des différents types de devoirs, avec à chaque fois ce que Kant appelle des questions casuistiques, hein, qui laissent en général non tranchées. C'est-à-dire, bon, si je sais par exemple que mentir c'est mal, pour simplifier, hein, quelle parole intentionnellement fausse est vraiment un mensonge ? Vous voyez ? Par exemple, si je dis Kant, à la fin d'une lettre, votre dévoué serviteur, alors que en fait je déteste la personne à qui j'écris, est-ce que c'est mentir ? Kant dit, c'est pas du tout mentir, parce qu'en fait, l'autre sait que ça n'a pas de sens, cette formule, si ce n'est de la politesse. Et donc je ne mens pas en annonçant quelque chose qui, d'une certaine manière, est faux, mais dont l'autre, vous voyez, sait lui-même qu'il n'y a aucun crédit à lui apporter. Mais alors, du coup, l'impératif n'est plus catégorique. Bien sûr que si. Puisqu'il prend en compte toutes ces circonstances. Il ne faut jamais mentir, mais mentir, c'est une déclaration intentionnellement fausse dans une situation telle qu'autrui a toutes les raisons de pouvoir me croire. Vous voyez ? Et donc, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et on trouve des analyses donc de Kant qui faut avoir lu d'autres textes de Kant, en fait, c'est ça, pour bien comprendre ce qu'il veut dire. Non, mais c'est-à-dire que les textes de Kant que nous lisons, et c'est normal, et ce sont de loin les plus importants, sont des textes qui relèvent d'un moment de fondation du discours philosophique. Mais il y a d'autres textes de Kant qui sont tout aussi, d'une certaine manière, philosophiquement parlant, qui s'intéressent à la concrétude, au fond, des situations. Eh ben, c'est bien donc, que... Si je peux juste finir. Oui, je vous en prie. Dans cet exemple que vous preniez, hein, il y a quelque chose d'analogue à des exemples que Kant prend dans d'autres textes et qui disent, encore une fois, si je dis intentionnellement quelque chose est faux à quelqu'un qui extorque de moi cet aveu, c'est pas un mensonge. Et donc, je pense qu'on peut même aller d'une certaine manière plus loin dans votre exemple. Mais toujours sans mettre en question l'impératif catégorique lui-même, vous voyez, simplement, en l'appliquant de manière un petit peu fine. Si j'accueille un réfugié, je lui promets la protection. Si quelqu'un extorque de moi pour nuire à celui que j'abrite, l'aveu de la présence de cette personne chez moi, celui qui extorque de moi n'a aucune raison de croire ce que je lui dis parce qu'au fond, il fait violence à mon égard pour que je parle. Et en revanche, en lui disant que je ne cache pas une personne que j'abrite et que je protège, je suis fidèle à la promesse que j'ai faite à celui que j'ai accueilli. De sorte que d'une certaine manière, vous voyez, dire le faux à la Gestapo, ce n'est pas mentir moralement à la Gestapo, et c'est en revanche être fidèle à la promesse à l'égard de celui que j'abrite. Donc, d'une certaine manière, en conservant le sens de l'impératif catégorique, mais en allant dans la situation concrète et détaillée, on voit que cette situation peut s'éclairer d'un tout autre sens, sans recourir à la vérité avec un grand V, à l'amour, etc. Un des reproches qui a été fait à Kant, c'est de dire que non seulement il avait les mains pures, mais surtout il n'avait pas de mains, c'est-à-dire qu'il ne mettait pas les mains, il distinguait. Il ne mettait pas les mains dans le cambouis, on dirait aujourd'hui, il distinguait d'un côté le domaine de la morale et de l'autre le domaine empirique, le domaine où l'existence prend sa forme. C'est l'objection que lui formule Charles Péguy dans ce texte que je vous propose d'entendre, qui est un texte magnifique. Le kantisme a les mains pures, mais surtout, il n'a pas de mains. Le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains. Et nous, nos mains calleuses, nos mains noueuses, nos mains pécheresses, nous avons quelquefois les mains pleines. Hélas, combien de nos actions pourront être érigées en une loi universelle ? Et combien de raisons de nos actions ? Et cela ne nous est-il pas tellement égal ? Cela ne nous est-il pas tellement étranger ? N'avons-nous point d'autres inquiétudes, d'infiniment autres profondeurs, d'infiniment autres soucis, d'infiniment autres détresses ? Combien de nos actions ne pourraient point être érigées en loi universelle, pour qui cet envoi ne présente même aucun sens ? Et ce sont celles à qui nous tenons le plus, les seules à qui nous tenions sans doute. Actions de tremblement, actions de fièvre et de frémissement, nullement qu'anciennes, actions d'une mortelle inquiétude. nos seules bonnes actions peut-être, nullement planes, nullement quiètes, nullement calmes, nullement horizontales, nullement législatives, nullement tranquilles, sûres de soi, nullement dans la sécurité, nullement sans remords, nullement sans regret. Des actions sans cesse combattues, sans cesse intérieurement rongées, nos seules bonnes actions, les moins mauvaises enfin, les seules qui compteront peut-être pour notre salut. Nos pauvres bonnes actions. Les seules, et ce sera si petit, que nous pourrons présenter dans le creux de la main. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. On peut déjà commenter la forme, Antoine Grandjean, parce qu'on entend le style, le rythme de Peggy, qui lui-même semble aller dans le sens de Jean Kelevitch en adressant à Kant une objection qui est celle de l'absence de chair, l'absence de vie, l'absence même de pathos. On entend un lyrisme dans ce texte qui semble justifier le fond même du texte, à savoir le kantisme n'a pas de main, il est tout simplement coupé du monde. Vous avez défendu Kant contre Jean Kelevitch, est-ce que vous arrivez à le défendre contre Peggy ? Ben, le défendre, en tout cas simplement préciser des choses, c'est-à-dire que, en effet, c'est un texte qui dont la forme lyrique est strictement solidaire du fond, puisqu'il s'agit d'affirmer que ce qui a un sens éthique, c'est toujours ce qui possède une sorte d'urgence intime, si l'on veut, en effet, ce qui met en jeu au creux de ce qu'elle a de plus intime, la singularité d'un existant, avec tout un pathos corrélatif, en effet. Bon, il est clair que Kant est un philosophe qui tente de dépathologiser la question morale, tout en faisant place à des sentiments, hein, mais des sentiments qui sont des sentiments bien précis, ceux que précisément on éprouve pour la loi, hein, c'est-à-dire le respect. Le respect. Donc c'est en effet tout autre chose. Bon, mais le fond de cette vision du kantisme que l'on trouve dans ce texte, c'est une attaque contre l'idée de loi. Et donc d'impératif catégorique dont la version qui est la version adressée à la finitude de cette loi, parce que la loi ce serait ce qui serait d'une certaine manière vide, creux, toujours évident, et qui donc serait la négation de cette urgence intime qui serait le cœur de la question morale selon Peggy. Ce qu'on peut dire quand même, alors bien sûr on est dans deux types de qualifications de la question morale qui sont d'une certaine manière aux antipodes, mais ce qu'il faut dire contre au fond cette vision du kantisme simplement, oui, c'est que Kant insiste sur donc le fait que ce soit la forme de la loi qui soit au fondement de la conscience morale. Le formalisme. En effet, voilà. Mais il souligne que ici, ce qui est important, c'est de considérer que le critère moral est accessible à tous. Bien, mais que le critère soit accessible à tous, hein, ce qui est un anti-intellectualisme, si on veut, ce qui s'oppose aussi à toute la tradition, qui pense, encore une fois, le bien sur le modèle du vrai, et qui donc, ce qui suppose des compétences particulières, vous voyez, cet anti-intellectualisme kantien le conduit à affirmer que le critère de la moralité est accessible très largement, c'est la chose du monde la mieux partagée. Mais ça ne veut pas dire, au fond, que toute situation éthique devienne transparente et évidente. Parce que, d'abord, le premier effet de la conscience morale, selon Kant, c'est, si on veut, une performance d'inquiétude, de déstabilisation de, précisément, nos attitudes qui semblent évidentes, nos certitudes qui semblent trop bien fondées. Le premier effet de l'impératif catégorique, c'est de déstabiliser le sujet. Donc, ça a un effet d'inquiétude, si vous voulez. Deuxièmement, que le critère moral soit accessible, ça ne signifie pas que la conduite qui est conforme à ce critère soit évidente. Et ici, le sujet se trouve confronté à un problème. Il a le critère, si vous voulez, pour trancher le problème, mais le critère ne tranche pas tout seul. C'est-à-dire que c'est le sujet qui doit se demander, dans telle situation, agir de telle manière, est-ce que c'est universalisable ou pas ? Et il y a ici une responsabilité du sujet qui est d'inventer la figure d'une certaine manière concrète située de cet universel. Vous voyez, la loi ne dit pas que telle conduite est morale. Elle dit à quelles conditions une conduite peut l'être. c'est au sujet d'inventer ensuite la conduite qui correspond à ce critère. Et donc, il n'y a pas d'évidence des conduites. Selon Kant, il y a aussi un effet d'inquiétude constant qui concerne la qualité de mes intentions morales, puisque la loi morale, l'impératif catégorique, me prescrit une manière d'agir, mais pas seulement. Il me prescrit une manière d'agir parce que cette manière d'agir est conforme à la loi. Je ne dois pas seulement agir ainsi, mais je dois agir ainsi parce que la loi l'exige de moi. C'est ce que Kant appelle la moralité et qu'il distingue de la légalité. Or, la qualité de mes intentions, le fait que j'agisse seulement par respect pour la loi, est quelque chose qui m'est définitivement retiré. Je ne peux ni sonder la qualité des intentions des autres, ni sonder la qualité de mes propres intentions, car je peux toujours m'illusionner au fond sur moi-même. Donc je ne sais jamais si j'agis moralement. Je ne sais jamais si j'agis moralement. Il n'y a aucune transparence à soi à ce niveau-là. Aucune transparence à soi concernant la qualité des intentions. Et donc, cette inquiétude, vous voyez, elle est constante. Donc, on n'est pas du tout dans une sorte de transparence, d'évidence et d'automaticité. Et enfin, là où, en revanche, on est dans deux attitudes totalement différentes, c'est lorsque, d'une certaine manière, Peggy, c'est l'un des derniers mots, voire le dernier du texte que vous lisez, évoque la question du salut. Mm-hmm. C'est-à-dire que la question du salut, pour Kant, c'est une question moralement qui est toujours un peu suspecte. Parce que quels sont les présupposés de cette idée sur laquelle l'exigence morale, ce serait une exigence de salvation? Le présupposé, c'est que d'une certaine manière, nous avons à nous sauver, c'est-à-dire que nous serions en voie au moins de perdition, sauf à nous révolter contre cela, sauf à nous convertir, bref. Donc ce présupposé, Kant n'y adhère pas du tout, puisque c'est un présupposé que l'on peut dire... qui ressortirait presque à une sorte de terrorisme moral pour lui, c'est-à-dire voilà, nous terrorisme. Nous sommes dans une situation de perdition et dont il nous faut sortir. C'est pas comme ça que Kant voit les choses. Deuxièmement, quelle est la motivation du salut? Parce que ce qui exige de moi que je me sauve, est-ce que ce n'est pas précisément, d'une certaine manière, la prétention que j'aurais, vous voyez, de valoir mieux? Et au fond de valoir infiniment plus que ce que je vaux pour l'instant. Est-ce que ce n'est pas quelque chose, au fond, qui relève d'une sorte de narcissisme, cette obsession du salut, vous voyez? Et enfin, quel est l'horizon de cette thématique du salut? En général, c'est la grâce, c'est-à-dire si je dois me sauver, je ne me sauve jamais entièrement par moi-même, puisque je suis dans un état de perdition, il faut qu'on m'aide. Et ça, c'est une position, là encore, hétéronome. Donc un juge qu'elle est parfaitement suspecte. Bref, l'éthique ancienne n'est pas une éthique du salut. Ce sera le dernier mot. Merci Antoine Grandjean. La philosophie de Kant, c'est le livre que vous lui avez consacré, qu'on peut trouver aux éditions Vrin. Vous aviez dit que l'impératif catégorique avait une voix. Est-ce que cette voix pourrait être celle qui chante « Do right to me » de Bob Dylan ? Don't wanna hurt nobody. Don't wanna be hurt. Don't wanna treat nobody like they wise dirt. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you'd have them, like you'd have them do unto you. Don't wanna shoot nobody. Don't wanna be shot. Don't wanna buy nobody. Don't wanna be bought. Don't wanna bury nobody. Don't wanna be buried. Don't wanna marry nobody if they're already married. But if you do right to me, baby, I'll do right to you too. Got to do unto others like you'd have them. D'Emmanuel Kant à Bob Dylan jusqu'à Aurélien Bélanger. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver Aurélien Bélanger pour sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Vous venez aujourd'hui avec une drôle de question, une drôle de nouvelle. L'amour serait en train de disparaître? Eh oui. Alors, le sentiment amoureux, sous sa forme actuelle, date probablement du XIIe siècle, de l'ère des troubadours, de celle des romans de chevalerie. Ce sont eux qui ont codifié, à l'extrême, ce lien entre deux êtres qu'on appelle amour. À l'extrême, c'est-à-dire jusqu'au risque de l'excès, que reste-t-il de l'amour, du sentiment amoureux, quand il aurait été dissous par la chimie du philtre dans Tristan et Iseut ? C'est comme si le platonisme qui renaissait alors en cette fin de Moyen-Âge était un antidote intellectuel à cette réduction de l'amour-passion à une simple liaison moléculaire, à moins qu'on essaie, comme Dante, comme Pétrarque, d'aller puiser dans l'amour chrétien la substance disparue de l'amour. Mais tout est gâché, peut-être, quand on réalise que la Laure de Pétrarque s'appelait Laure de Sade et qu'elle aura pour descendant direct, par sa mère, le marquis de Sade, l'ultime destructeur de l'amour. En effet, c'est un sacré rebondissement. Mais la destruction de l'amour, c'est en réalité, depuis presque deux siècles, un grand thème littéraire. Madame Bovary reprend par exemple l'intrigue littéraire, là où Cervantes l'avait laissée, dans une réécriture critique des thèmes chevaleresques. Don Quichotte prenait des moulins pour des géants, des bergères pour des reines. Madame Bovary prendra Rodolphe pour un chevalier, puis Léon pour amant. Les illusions de l'amour resteront désormais l'un des grands thèmes du roman moderne. Un amour de Swann est ainsi le récit d'une intoxication volontaire de Swann pour Odette, que l'intéressé conclut par sa célèbre révélation qui achève de vider l'amour de tout son contenu positif. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Pas mon genre. Alors vous dites que le roman d'amour, depuis Madame Bovary, serait l'inverse de ce qu'il prétendrait être. C'est ça. En fait, le roman d'amour, c'est un roman de désapprentissage de l'amour. Et c'est ainsi, pour revenir à Proust, qu'Albertine disparue est un bien meilleur livre que La prisonnière. Et c'est pour cela que je suis mal à l'aise face aux craintes de l'époque sur la disparition de l'amour, sur la désérotisation du sentiment amoureux, car c'est probablement ainsi qu'il faut interpréter cette fameuse tribune post-MeToo au Monde, tribune signée notamment par Catherine Deneuve, et qui défendait la liberté d'importuner, la liberté d'importuner comme ultime avatar du roman courtois. Mais cela nous met mal à l'aise car invoquer la littérature de Belle de Jour à Histoire d'eau pour défendre la monstrueuse anormalité de l'amour, c'est être aveugle sur les véritables, sur les tragiques conclusions des romans de mœurs qui ont unanimement conclu à l'inanité de l'amour. Une exception peut-être, une seule, une exception de l'ordre du remords, on trouve, embarqué dans l'intrigue absolument moderne de l'éducation sentimentale de Flaubert, pleine d'usines, de révolutions et d'œuvres d'art, à l'époque de leur reproductibilité technique, l'anachronisme merveilleux d'un amour non consommé. La passion de Frédéric pour Madame Arnoux parvient à ressusciter, au premier degré, sans maniérisme, quelque chose des amours idéales de Dante et de Pétrarque. Mais on lit, bien sûr, beaucoup moins l'éducation sentimentale que Madame Bovary. On préfère les livres qui montrent que la passion nous importune et nous aliène. L'amour apparaît truqué, hypocrite, malhonnête, de l'ordre de la perversion presque, comme dans l'intrigue de La prisonnière chez Proust. La perversion d'une perversion, le sous-produit de la jalousie. C'est ainsi qu'on assiste au remplacement possible de l'amour par la notion moins ambiguë de consentement, moins ambiguë, mais encore inexplorée. Tristan et Iseut ont recraché leur filtre et se regardent sur le bateau qui les emporte, nous regarde et nous emporte avec eux sur les eaux inconnues d'un sentiment nouveau. Et donc un sentiment qui ne serait pas l'amour. Un sentiment qui pourrait être, serait plus beau que l'amour. Ah, merci Aurélien Bollinger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni avec Avril Poignant-Legoff, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Laurence Malonda, Esther Valenchik, Nicolas Berger à la réalisation cette semaine. À la prise de son, c'était Clément Daté. À la lecture des textes, Éric Herson-Macarel. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Kant. Dernière émission demain autour d'un concept clé, le mal radical. Qu'est-ce que le mal radical ? Eh bien, nous serons en compagnie de la philosophe Michèle Cohen-Halimi pour répondre à cette question. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que les précédentes cette semaine autour de Kant pour être prêt pour l'émission de demain. Pour les réécouter, vous vous rendez sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez écouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster. Abonnez-vous, comme ça vous pouvez écouter les émissions où vous voulez et quand vous voulez. Et on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est toujours ravis de répondre à vos questions et de lire vos commentaires. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.